puis au cours de mes réponses, peut-être que mes réponses vont générer peut-être d'autres questions, non? Oui. Donc n'hésitez pas aussi de me reprendre pour éclaircir, pour voilà, parce que des fois on fait des raccourcis dans les réponses ou c'est pas très clair, ou donc n'hésitez pas, soyez, c'est tranquille, quoi. Et puis si je sais pas, je dirais je sais pas, mais Je pense que ça va aller. bon, bah, super. Donc, je commence. Donc, en fait, j'aurai, on va dire, deux questions. Une qui sera plus sur vos poèmes et une autre qui sera sur les illustrations qui D'accord. lient vos poèmes. Donc, pour la première, vos études linguistiques ont-elles eu un impact sur la manière de penser vos poèmes? C'est-à-dire, pensez-vous que la forme déconstruite va restreindre la lecture en affaiblissant le rôle du texte? Alors, il y a plusieurs étages en fait dans ces questions, la question de la formation de celui qui écrit, en dehors de la formation de l'écriture elle-même, de la pratique de l'écriture. Donc effectivement, quand on a fait des études, ça peut avoir un impact, ça c'est sûr. Enfin, de toute façon, forcément, généralement, il y a toujours un impact. Si on fait de la médecine, il est possible que notre bagage, notre savoir puisse s'intégrer quelquefois dans l'écriture littéraire, pourquoi pas. Quand on fait de la linguistique, oui, c'est sûr, bah, on s'interroge sur la langue. Mais et sur la question de la forme, bah, je répondrai tout à l'heure. Bah, je commence d'abord par ça. Effectivement, dans mon itinéraire, moi j'étais étudiant, donc j'ai fait de la linguistique. J'étais au Maroc à ce moment-là quand j'ai fait de la linguistique. Je travaillais à la fois, bah, j'étais au département de la langue française, mais je travaillais sur un long texte ancien du 13e siècle de quelqu'un qui s'appelait Sakaki, qui avait fait un livre qui s'appelle La clé des sciences du langage, où il va un peu travailler comme aujourd'hui, hein, les différentes facette de la langue, donc de la phonétique jusqu'à la sémantique. Moi, je travaillais surtout sur la sémantique et cette question-là du sens et de la forme me troublait déjà dans la langue elle-même, c'est-à-dire en arabe. Après, quand on passe à la traduction, que ce soit de la terminologie, que ce soit des exemples cités, là aussi, on est déjà dans la traduction, on est face à pas mal de complexité, en fait. Et du coup, alors sachant que ce linguiste-là et toutes les citations étaient littéraires ou religieuses, et ça reste, et le traitement était littéraire. C'est-à-dire quand il cite par exemple le Coran, c'est presque de la même manière que s'il va citer un poète. Voilà, c'est des exemples qui restent. Donc la question de l'écriture, de la langue et de traitement littéraire était déjà, dès le départ, on appelait ça, c'est les Arabes, on a traduit ça par rhétorique, hein, rhétorique, ça correspond plus à ce qui se passe maintenant en linguistique, on appelle ça la pragmatique ou les théories de l'énonciation, on travaille beaucoup sur la langue, pas seulement écrite, mais parlée aussi, quand elle est parlée. Et c'était troublant, complexe, parce que il va citer par exemple un poète, mais il va le traiter comme si c'était de la parole énoncée, en fait, dans un contexte bien défini. Alors que ici, on fait d'abord la différence entre la parole et l'écrit, on fait la différence entre l'édifice rhétorique où un orateur va parler, etc. Et la poétique depuis Aristote et ainsi de suite. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, bref, tout ça, effectivement, me poussait surtout à m'interroger quand je lisais des œuvres. Voilà. Ce n'était pas simplement des questions liées à mon parcours universitaire, mais dans mon quotidien aussi, c'était un souci. C'est-à-dire, quand on écrit, tout ce qu'on lit sur, autour, tout ce qui est métalangue, métalangage, vient nous interroger en fait dans nos lectures, dans notre pratique. Et donc quand je pratiquais, c'était pareil en fait. Donc un impact, l'impact était là. C'est-à-dire que et là c'est là aussi il y a un autre étage de complexité. C'est-à-dire que l'écriture, surtout l'acte littéraire, est à la fois inconscient et conscient, mi-conscient, inconscient, on va dire, voilà, les deux. On est à mi-chemin entre le mot tel qu'il est lui-même et la perception qu'il va générer, et puis la perception des choses qui viennent de l'extérieur. Je veux parler de quelque chose, ou je veux juste un peu que les sonorités ou les mots forment quelque chose. Voilà. Là, je veux dire que mon bagage n'intervient pas forcément de façon consciente, parce que j'écris, j'analyse pas, je fais pas le commentaire. Voilà. Mais n'empêche que je sais que ce que je sais avant sur la langue, etc., va être là quelque part. Quand on fait une rature et on choisit un mot, un autre, on ne va pas dire que c'est l'écriture automatique, ce n'est pas complètement inconscient. C'est-à-dire, j'analyse en même temps, mais j'analyse avec une composante intuitive beaucoup plus grande que si je dois reformuler une phrase d'un essai, par exemple. Si vous me dites, voilà, vous allez parler de la poésie, là, ça serait parler de. Alors que là, j'écris de la poésie, je ne parle pas de. Je suis dedans. Voilà. Et donc, tout ce qui se passe, l'analyse, se fait dans cette composante intuitive. Voyez. Donc, entre le bagage qu'on a, le savoir qu'on a, et l'écriture, il y a quand même des ponts. Hein, mais on ne sait pas des fois de quelle façon se font, hein, comment on les traverse, on va sous, on va sur, etc. Mais on prend des risques aussi, des fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut surtout s'interdire presque, hein, de laisser un peu la raison, le rationnel trop, parce que sinon à ce moment-là on fait dans le commentaire, on analyse, je veux que tout, surtout dans la poésie, il y a une très grande part qui est dans le mystère d'une certaine manière, et quand je dis le mystère, c'est le mystère vraiment du réel aussi, hein, de tout ce qui vient vers nous, on l'interroge, et des fois on ne comprend pas non plus ce qui se passe en nous et à l'extérieur. Je parle de la poésie de façon générale, pas seulement métaphorique. Hein. Même la plus simple, même Jacques Prévert, qui est quelquefois très simple, les poètes américains qui sont dans la narration, etc. Là aussi, il y a quand même une part du mystère qui est incroyable. Et on essaie de la traduire, entre guillemets, en mots. Mais des fois, ce sont les mots qui prennent un peu le dessus. Ils ont leur propre logique. Ils génèrent quelque chose qui nous dépasse. Quelquefois, on comprend. On saisit un peu le sens bien plus tard de ce qu'on a écrit. On écrit, on sait qu'il y a quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi cette association de mots, cette image-là est venue. Elle s'impose à moi. Je ne suis pas capable tout de suite de l'analyser parce que je n'ai pas envie, parce que je sens qu'il y a quelque chose dedans et je laisse un peu fermenter. Alors après, des fois, je me trompe, je me dis non, mais ça ne veut rien dire, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà. Et des fois, je me dis ah oui, ça y est, j'ai compris maintenant, hein, le rapport entre ce fragment et ce fragment, etc. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu. Alors la deuxième, la question de la forme, pareil. La question de la forme est en lien surtout avec la pratique littéraire dans une langue bien spécifique. Moi, j'écris dans les deux langues, en arabe et en français. Et quand j'écris en français, je suis dans la langue, c'est-à-dire je suis complètement dans les spécificités et les singularités de cette langue. D'accord ? Et donc, c'est mon savoir, enfin, ma connaissance, on appelle ça la compétence de la langue, qui est là. Je ne pense pas forcément à la traduction. Je ne pense pas à l'arabe à ce moment-là. J'écris, et donc j'écris dans les sonorités de la langue, dans ses expressions, dans tout ce que je sais un petit peu. Et des fois, je rencontre aussi des formules comme ça dans mes lectures que je vais après peut-être reprendre à ma manière un peu dans la poésie. Donc la question de la forme vient de la langue, en fait. Et puis, par contre, il y a la forme un peu de la page, la mise en page, l'éclatement des mots, par exemple, sur la page. Ça vient aussi un petit peu d'une certaine fascination à un certain moment de mes lectures aussi. Hein. C'est cette liberté que les poètes contemporains ont commencé à avoir pour prendre leur propre rythme. Bon, quand j'écris, par exemple, quand je mets un seul mot dans une phrase, ça veut dire qu'il est très important qu'au niveau de la diction même, je fais une pause, je le laisse presque en suspens, je fais le silence entre avant et après. Et des fois, quand c'est vraiment comme là, surtout dans ce recueil-là. Là, c'est une masse, quelquefois, c'est tout un corps, en fait, de mots, donc c'est plus saccadé, en fait, c'est quelque chose qui vient. Donc, la forme du poème, oui, mais par contre, celle-là, ce n'est pas mon apprentissage de linguistique, en fait, universitaire. Non, c'est surtout mes lectures, en fait, de la poésie contemporaine qui à un certain moment, s'est imposée à moi. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, la forme classique n'est pas capable vraiment de... C'est un moule, en fait, il est rigide. Dedans, les grands poètes ont fait des variations sur la langue, etc., mais ils ne pouvaient pas... aller plus loin. Maintenant, avec la poésie contemporaine, on a une grande liberté. Et cette grande liberté aussi est une difficulté, parce que comment essayer d'être libre, mais en même temps, justifier ton choix et ne pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Voilà. Du coup, j'ai une deuxième question. Oui. C'est par rapport justement aux illustrations. Comment vous arrivez à établir un équilibre entre la forme artistique, justement l'illustration, et le sens de vos poèmes? Par exemple, par rapport avec Fanny Batz, justement, qui a pas mal illustré. Là, c'était très simple. En fait, moi, j'ai écrit les poèmes et j'ai donné, en fait, à Fanny Batz de voir un peu ce qu'elle peut faire. Et du coup, des fois c'est le poème lui-même, dans sa généralité, enfin, dans sa globalité, qui donne le geste. Et des fois, elle va s'intéresser qu'à une parcelle du poème. Et comme elle n'est pas dans le figuratif, elle est dans le geste, dans la couleur, c'est vraiment, c'est presque percevoir les couleurs et le mouvement du poème. Hein, qu'est-ce qu'il me donne comme... Et donc on voit des traits, des complexités, il y a un va-et-vient. Et en même temps, on gardait, alors que les poèmes... Il y a une certaine cohérence, mais pas, surtout dans ce recueil-là, c'est des différents poèmes, même des différentes époques. La seule cohérence, c'est le fil, c'est moi, c'est qu'il y a un seul auteur, mais ils sont différents un peu. Par contre, moi, je voulais aussi que le côté plastique soit assez cohérent, il donne une cohérence aussi un petit peu au livre. Donc il y avait des fois des différences, surtout au niveau des couleurs. Comme il y a pas mal de couleurs, mais des fois il y a, je me rappelle plus où c'est exactement, où il y a deux pages ou quelque chose comme ça, où il y a un petit peu moins de couleurs, et surtout un autre, je sais pas où il est, non pas celui-là. Enfin, voilà, c'est soit beaucoup, soit très très coloré, très très lumineux, soit un peu plus. Généralement, quand on travaille avec un plasticien, c'est ça, en fait. On lui donne vraiment carte blanche. On sait ce qu'il fait, on aime ce qu'il fait. Et on lui dit, voilà, tu prends ta liberté de voir un peu comment tu... On ne va pas lui expliquer le texte. Ça, bon. Tout à l'heure, vous parliez de rythme, justement. Mm. Et avec mon groupe, on s'était posé une question par rapport à la relation avec la musique. Mm. Donc savoir si elle faisait vraiment partie intégrante du poème, s'ils étaient vraiment intrinsèquement liés, mm-hmm. ou est-ce que c'était juste juste le mot est faible, une façon de fédérer un public plus large, en fait. Ah oui, non, pas du tout. En fait, c'est alors il y a deux raisons. Moi, j'étais toujours lié à la musique, en fait. Je fais de la percussion un peu. La musicalité dans le poème est très importante pour moi. J'écris avec la voix. Quand j'écris, il y a toujours une voix, en fait, qui traverse le poème. On a parlé tout à l'heure de cette question de mettre en page, de l'éclatement des mots sur la page, qui peuvent correspondre quelquefois à ces arrêts, à la musique. La musique, ce n'est pas forcément l'harmonie, hein, ce n'est pas forcément la continuité des notes qui vont créer quelque chose de très harmonieux. Les ruptures aussi, hein, comme on le voit beaucoup dans la musique contemporaine, font partie aussi des... Oh, c'est gentil, merci. Comment tu savais que j'avais pas encore pris, moi? Donc oui, la musique au sens vraiment général, c'est-à-dire la continuité des notes comme les ruptures aussi et le silence qui peut en faire partie. Donc il y a une musicalité propre déjà à la langue et puis à la poésie qui essaie un peu aussi de réinventer cette musique qui est déjà dans la langue. Par contre, après, quand on travaille avec des musiciens qui, eux, travaillent sur les instruments, bah, c'est un va-et-vient, en fait. C'est une affinité, c'est des affinités, c'est un dialogue. On n'est jamais dans l'illustration. On est dans quelque chose, à ce moment-là, qu'on va présenter un spectacle, par exemple, où la musique va faire partie du spectacle en tout, et la poésie en fait partie, mais une composante seulement. Voilà, c'est pas elle qui... même si souvent les musiciens, on nous demande toujours « qu'est-ce que tu veux exactement comme musique ? Qu'est-ce que tu veux que je monte ?» etc. Et après, dans le dialogue, on essaie un petit peu d'instaurer quelque chose. La troisième chose, troisième élément, c'est que j'ai toujours aimé travailler avec d'autres chants, en rapport avec d'autres chants artistiques. On se sent moins seul, déjà. Donc... Et des fois, le plasticien ou le musicien, là il s'agit du musicien, peut aussi interroger notre propre travail. Et du coup, on peut même évoluer. Après, on n'écrit pas de la même manière des fois. Moi, quand j'ai travaillé beaucoup avec des musiciens de jazz, et ben, même en écriture, je crois, après, ben, j'ai évolué un petit peu aussi. Enfin, évolué au sens, pas évolué, c'est pas... Ouais, dans quel sens ? Avancer, on va dire, plus, parce que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de progrès, en fait, dans l'écriture. On peut évoluer dans le sens où on va d'une étape à l'autre, chronologiquement, mais il est possible qu'on écrive à un moment quelque chose qu'on ne retrouve jamais après, difficilement. Hein. Il y a des moments de l'écriture qui sont un peu de grâce, presque, et on a de la peine quelquefois à revenir à ça, mais comment j'ai fait pour écrire ceci ou cela, etc. Et les musiciens m'apportaient ça, des fois, à retrouver quelques moments. Des fois, juste après la répétition, j'écrivais, hein, même le soir. Donc, ce n'est pas du tout... la question du public, non, ne se posait pas. C'est vraiment des affinités, c'est-à-dire, généralement, on les rencontre soit dans des festivals... On lit des poèmes, il y a quelqu'un qui vient, il est intéressé, ah, tu es saxophoniste, etc. Ah, bon, on fait quelque chose, bon, on improvise un jour. Et voilà, moi, j'ai fait un CD avec qui s'appelle Tesson, avec deux musiciens. Et j'étais en résidence d'écriture vers chez toi, d'ailleurs. Oui, enfin, à Rennes, oui, la voilà. Maison de la poésie. Pas à Rennes, non, c'était vers Rochefort, en fait. Rochefort, sur la Loire. Voilà. Et on m'a proposé un jour d'être accompagné par un musicien, un flûtiste qui jouait du nez, un français qui jouait de la flûte turque, arabe et persane. Et on a improvisé, ben, vraiment. On s'est vu à peine, même pas une demi-heure pour faire connaissance, quelques sons, etc. Et voilà, et on a fait, ça a été. Un jour, il m'appelle, il me dit... est-ce que ça te dirait de faire quelque chose ? Moi, je travaille avec un autre musicien contrebassiste et on a envie un petit peu de monter quelque chose. Et ben, pourquoi pas ? Et voilà, et c'est comme ça que c'est venu des spectacles et après un CD, etc. Donc, c'est vraiment des affinités. Il y a un dialogue entre un chant artiste et un autre. Sachant que moi, comme je disais tout à l'heure, quand j'écris, c'est vraiment destiné aussi souvent, pas seulement à la page, mais à la voix. Il y a tout le corps et les cordes vocales sont impliquées en fait là-dedans. Et du coup, il y a déjà un travail musical. Et la seule difficulté, justement, c'est comment la musique ne doit pas ni étouffer ce côté musical de la foi, ni de trop l'embellir, mais qu'il y ait vraiment un va-et-vient et un dialogue plutôt que l'un qui gère l'autre. Je ne sais pas si est-ce que j'ai bien répondu à peu près. C'était ça votre question ? Oui, d'accord. C'est moi qui ai une troisième question. Mm-hmm. Et c'est à la lecture de récits, partitions et photographies, oui. On n'a pas pu s'empêcher avec mon groupe de le comparer aux villes invisibles de Calvino. Parce qu'à un moment, vous parlez des lignes intérieures. Et du coup, on s'est fait cette réflexion. Pour évoquer une image, le poète effectue forcément un parcours intérieur où il va mêler ses émotions, ses sensations et une espèce de recherche de sens. Et ce parcours peut être inconscient, et ce serait ça, ses lignes intérieures. Du coup, on se demandait pour le poète et pour celui qui va traduire ensuite, est-ce que la recherche d'une même image dans une langue ou dans une autre est issue du même parcours, de cette même ligne intérieure? Ah oui. Ah. Je crois que oui et non. C'est-à-dire avec des nuances. Oui, dans le sens où ce qui permet la traduction, le passage d'un sens à l'autre, d'un poème à l'autre, d'une langue à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose quand même presque d'universel dans le parcours, dans la recherche d'humain. Voilà, il y a un cerveau qui travaille, etc. Donc sur ce plan-là, oui, les lignes intérieures sont à peu près les mêmes dans, en tant que, comment dire, comme concept. Quand je dis concept, c'est-à-dire que si j'ai l'image de l'arbre dans ma tête, on a tous la même image. Ça, c'est un peu le concept. Voilà, je le conçois, il est dans ma tête. Après, quand je lui donne une présence dans la langue, ben là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se transforme. Par exemple, quand on est petit, en langue arabe, on a le féminin et le masculin. Et le mot arbre, c'est shajara. Vous allez voir un peu le lien avec votre question des lignes intérieures. Le mot shajara, on a presque l'impression que l'arbre est féminin. Parce que la langue lui a donné cette singularité. Voilà. Et on se rend compte après que non, en français, il est masculin. Mais merde. Voilà. Et alors, du coup, il y a donc des lignes, mais qui peuvent prendre une forme particulière et singulière dans la langue après, dans ma représentation. Après, dans ma langue à moi de poète, parce que le poète, il essaye dans la langue de recréer la langue, d'inventer sa propre langue. Ça, en même temps, c'est vraiment l'idéal, en fait, le but ultime. Hein, on n'y arrive pas toujours, mais quand on arrive à des moments, je parlais de ces moments de grâce, où on arrive à quelque chose de presque inédit, en fait, au moins dans notre parcours, c'est vraiment quelque chose. Et du coup, les lignes intérieures sont là, d'une langue à l'autre, mais on ne les traverse pas de la même manière. Voilà, c'est pour ça que j'ai nuancé. Ça dépend de la langue, ça dépend de la langue des poètes et de son parcours. Voilà. Et on essaye, quand je dis intérieur, c'est-à-dire ma langue à moi, mon français à moi, ou mon arabe à moi. Pas seulement. Et la poésie donne cette possibilité. La narration aussi. Mais la narration ne la donne que le moment où le narrateur commence à travailler sa langue aussi, dans l'étoffement de son propos seulement, hein, pas seulement dans le sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a effectivement, on traverse tous, on a des lignes intérieures, voilà, des lignes qui peuvent être obliques, c'est pas toujours droit, hein, et d'ailleurs qui se chevauchent, hein, entre elles, qui s'entrecroisent, je parlais toujours de la complexité, j'aime bien ce mot-là, c'est le philosophe, le penseur Edgar Morin qui parle de la pensée complexe, j'aime beaucoup, effectivement, on est tous dans la complexité. Alors dans la poésie, il y a toute cette complexité entre sa propre langue et la langue dans laquelle il écrit, c'est-à-dire la langue de tout le monde, entre le sens et la forme, le sens qui m'échappe et celui que je voudrais donner. Et ces lignes-là, le poème est dessus comme un funambule, quoi, qui prend le risque, en fait. Il est là, il tâtonne, il essaie, il ne faut pas qu'il tombe, et il faut qu'il reste en équilibre. Et cet équilibre-là de mon sens et du sens propre au poème, c'est-à-dire qui m'échappe, qui est dans la logique du poème lui-même, que je retrouve que bien plus tard, quelquefois, a posteriori, je me dis, ah oui, voilà, si on a le temps, ben, je parlerai par exemple d'un poème que j'avais écrit, il y a une partie que je n'ai compris que plus tard, mais c'est drôle, mais enfin, c'est pas que j'ai compris, enfin, il y a une partie du sens qui m'a été révélée plus tard lors d'une discussion d'ailleurs. Voilà, donc ces lignes intérieures sont propres à chacun. Après, comment trouver la langue, les mots les plus justes, en fait, pour les traverser, pour rester dessus, pour rester en équilibre, comme je disais tout à l'heure. Et je suis content que vous parliez de Calvino, j'aime beaucoup. C'est donc une tension entre le concept et le mot qui est censé le représenter, ou le son. Oui. Le mot tension, oui, je l'aime bien. Oui, c'est vrai. C'est une tension entre ce qui est dans ma tête ou dans mes sensations, voilà, et ce que je veux donner. Des fois, le poème peut paraître clair, c'est-à-dire c'est quotidien, ça parle de petites choses, etc. Et le mystère, il est dans ce quelque chose, en fait, dont je parle. Mais des fois, ça peut être vraiment comme un rêve, en fait, des bribes de choses là qui viennent à nous, qui nous traversent, qui se livrent après avec les mots, voilà. Et on est entre ces deux-là, voilà. C'est une tension, effectivement, entre ce qui est dans ma tête, ou moi, en tout cas, hein, pas forcément dans ma tête, hein, et ce qui après devient mot, hein, sur la page ou dans la voix. Dans ce cas-là, vous me permettez de dire oui, allez-y. Le poème que vous auriez compris après. Uh-huh. Dans l'élaboration du poème, il y a une volonté. Il y a une volonté de cristalliser le concept, peut-être, dans le mot. Uh-huh. Et des fois, on se trompe, alors. Oui, c'est pas qu'on se trompe, c'est simplement il y a des choses qui nous échappent dans la structure elle-même, en fait, voilà. Par exemple, ce poème c'est dans de ce côté-ci alentour. Ça a commencé après. Ça a commencé par. Alors, comme je l'ai dit toutefois, tout à l'heure aussi, à une réponse, je crois, à la première question, des fois, on est dans ce quelque chose où il n'y a que des sonorités, des mots qui viennent. Alors, on a envie surtout d'écrire, on ne sait pas de quoi. Et des fois, non. Des fois, il y a un propos, quand même. Là, c'était le cas. Là, je voulais parler de ce rapport-là entre le silence et la voix, comme je parle pas mal. un jour, donc sur cette question-là de parler, ne pas parler, j'ai commencé par écrire juste quelques phrases qui disaient ainsi. Je commence à oublier le propre poème. Oui, je dis ainsi, quelqu'un parle. Je dis ainsi, quelqu'un parle à ma place. Je dis ainsi, quelqu'un parle à ma place quand je parle, alors qu'au moins, c'est du silence que je veux émettre. Ça a commencé comme ça. Entre le moment où on parle et on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle à notre place. On a un masque. C'est pas tout à fait nous. On parle. Voilà. On a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle et qui parle à ma place. Et il parle à ma place le moment où je parle, alors que moi, finalement, j'ai envie de me mettre en silence, c'est ça ce que je veux donner, mais j'y arrive pas, et petit à petit. Et à la fin du poème, je parle de les syllabes, tranches fines, c'est ce qui reste. Et ça m'a un peu échappé, ça, c'est, je trouve. Je travaillais le poème, et puis je butais contre ça. Et je n'arrive. Et puis après, je me suis dit, ben non, il faut arrêter le poème là. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'était juste une intuition. Après, je me suis dit, ben oui, au début où je parle de quand je parle et je m'entends parler, et alors que j'ai envie de me taire, après, effectivement, il reste que des syllabes, en fait. Les syllabes ne donnent pas forcément du sens. C'est pas un mot. Le mot peut être une syllabe, mais la syllabe elle-même ne produit pas vraiment de sens. Donc ça, c'est comme des tranches comme ça qui restent. Et entre les deux, il y a la question, là, je vous le lirai tout à l'heure peut-être, la question de la parole, du silence, de la nuit, du mystère, de l'indicible, de la langue elle-même. Hein, je parle aussi de parler de langue, etc. Donc, vous voyez, ça m'a un peu échappé, cette fin-là, que j'ai trouvé intéressant de la laisser un peu suspendue comme ça. Mais après, j'ai compris que, enfin, qu'il y avait une logique, mais heureusement, ça nous échappe des fois, non? Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi, de retrouver le sens d'un poème ou d'une prose, après? Moi, j'ai dit quelque chose sur le sens tout à l'heure, et je suis content que mon ami Mohamed me rejoigne dans cela. C'est que nous ne comprenons pas toujours ce que nous disons dans nos poèmes. Mais ce n'est pas le but de dire quelque chose. Ce n'est pas ça, en fait. Si ce n'était que de dire quelque chose, ben, il y a d'autres moyens pour le dire. On est à la recherche de quelque chose. Enfin, peut-être dire ce qui se dit ailleurs, mais d'une autre façon, ou une autre façon à nous. Et donc, c'est vrai que il y a des moments où je peux m'interroger sur qu'est-ce que je voulais dire par là. Exemple, vous avez pris un poème que je ne considère pas pour moi comme étant un des meilleurs textes que j'ai écrit. Sauf que ce texte-là, là où je vais lire, on me demande de le lire. Et aujourd'hui, j'étais encore étonné de le voir choisi parmi les textes que vous avez choisis. C'était « Le sable et moi ». Je peux vous dire, vous me demandez de vous expliquer ce que je voulais dire par là. J'en suis incapable. Je parle d'une femme, d'une autre femme, d'une troisième, et puis... Voilà, des voix, des images. Je ne sais pas, il est là, le poème sur le sable. Et moi, enfin, oui. Et il est ouvert à plusieurs interprétations. Moi, je ne peux pas vous dire laquelle il faudrait... Enfin, je ne pose même pas la question, si on a une pour moi. Et ce texte-là, paradoxalement... Il a son succès auprès du lecteur. Des lecteurs, ouais. Et je me demande encore qu'est-ce qui fait son succès. Est-ce que ce n'est peut-être pas cette ambiguïté qui est propre à la poésie. Polysémie et ambiguïté sont inhérentes à la poésie. Donc est-ce que ce n'est pas ça qui fait peut-être qu'il est apprécié par le lecteur, je ne sais pas. Mais il est vrai que ça nous arrive de nous interroger, oui, sur le sens. En tout cas, c'est bien aussi de ne pas... Parce que sinon, on reste dans l'analyse, dans le commentaire, dans le rationnel, quand on n'est vraiment que dans la... Or, dans les 24 heures qu'on traverse, plus de 70% ne sont pas du tout rationnels. Déjà la nuit, il y a le rêve, le vrai. Et puis, dans notre quotidien, on essaie toujours d'articuler nos sensations dans la communication avec les autres. Et si on prête vraiment attention, on va voir que ce qui se passe entre un œil et un œil, entre un regard et un regard, entre un geste, etc., c'est hyper mystérieux et très compliqué et difficile. Il nous échappe tout. C'est ce qui fait la richesse un petit peu de l'humain. Et la poésie prend en charge un peu ça, d'une certaine manière. Elle essaye un peu d'intégrer cette grande composante qui est dans notre quotidien, qui apparaît comme moindre parce qu'on est dans le calcul, dans l'horloge, etc. On essaie d'organiser pour ne pas devenir fou. Hein. Voilà. Mais n'empêche, on le sait, tout le monde le sait, qu'il y a une très grande part un peu dans notre quotidien lui-même et qui est assez mystérieux. Quand quelqu'un me dit, c'est comme si, en fait, moi, j'avais beaucoup de conversations comme ça avec des amis qui me disaient, oui, moi, j'aime bien écrire sur des choses simples, le quotidien. J'ai dit, ben, moi, les choses simples ne sont jamais simples. Moi, quand je prends mon café, déjà, le moment même, il y a plein de choses métaphysiques que je rencontre en même temps. L'étrange et le mystère, il traverse notre quotidien. Après, bon, bien entendu, on ne rentre pas non plus dans une sphère mystico, etc. J'ai rien contre, au contraire, je suis très nourri par la mystique. Mais, je veux dire, inauthentique, celle qui est un peu superficielle. J'aime. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que même, il y a toujours cette tension-là dont vous avez parlé tout à l'heure, entre... dire ou ne pas dire, dire, désirer dire, et ce qui échappe. J'ai un ami que j'ai traduit, un palestinien, qui lui écrit de très beau poème, très court, petite narration, presque des petits. C'est vraiment super, très intelligent, etc. Et qui est effectivement assez souvent assez clair. Ça, ce n'est pas le travail sur la langue, les sonorités qui l'intéressent, c'est surtout l'image et ce quelque chose un peu. Oui, bah voilà, étreinte, c'est Anas Lali. Et alors, ce qui est étonnant, c'est. Donc, moi, je lui dis, moi, quand j'écris en arabe ou en français, j'écris vraiment dans la langue. Je ne sais pas que le sens, hein, j'écris aussi dans la. Et du coup, il y a des moments où c'est intraduisible. Hein. Il y a un texte que vous pouvez regarder sur Internet qui s'appelle Ex, donc qui est tout un travail sur la racine Ex en français, hein, qui donne toutes les formes de mettre en dehors. Hein. De expulsion, exil, excrément. Enfin, à chaque fois, c'est les rejets. C'est à chaque fois, il y a quelque chose qui est. Ben, celui-là, j'ai une amie qui a essayé de le traduire à peine à troisième vers. Elle a dit stop, c'est pas possible. Parce que en arabe, on n'a pas. Il y a quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas ce travail-là sur la racine. Une racine. Voilà, la racine en arabe, c'est très consonantique, c'est autre chose, c'est différent. Du coup, on ne va pas. Et du coup, tout le sens du poème est sur la forme, est sur cette répétition de ex sans cesse du début jusqu'à la fin. Voilà. Et si ça disparaît, voilà. Alors que Anas, donc, lui, il travaille beaucoup dans le sens. Et du coup, des fois, quand je le traduisais, il réécrivait. Et son propre texte en disant que ça passe pas en français, c'est vrai que je viens de me rendre compte que c'est faible, ça va pas, faut que je le. Il le réécrivait. C'est... Et du coup, parce qu'il a envie vraiment que c'est surtout le sens qui passe. La forme, c'est pas vraiment son. Et pourtant, il y a une petite forme quand même, malgré tout. Il y a une rythmique, il y a quelque chose. Mais je veux dire, c'est pas le travail sur la sonorité, ni. Ni la surcharge des métaphores, non, pas du tout. C'est... Voilà. Du coup, ça dépend en fait ce qu'on écrit, ce qu'on veut passer, faire passer. Voilà. Parce que la question de la traduction est déjà là. Voilà. Faire passer quelque chose. Et c'est des difficultés en fait qu'on rencontre, que ce soit quand on écrit ou quand on traduit. Pas de la même manière. Présence massive. Partout de la cendre pourrait, pourtant fragile, qui s'effrite, pourtant qui pèse. Toute cette absence, cette perte, le vertical prend feu, tombe sur les hommes, les femmes, les mômes, les arbres, les murs, et la mémoire, à chaque frottement avec ce mettant feu, le feu dedans, le feu dehors, avec symétrie des choses, asymétrie de l'être terrible. Nuit pleine de réel. Il est étrange l'arbre là-bas, comment ça s'appelle, dit H. Si tu ouvres la fenêtre vers 5h du mat, tu verras un type qui rôde autour, fait sa vidange, puis encore fait le tour, comme pour chercher quelque chose, puis gare ensuite ses fesses sur le banc à côté. Et c'est tous les jours comme ça, rictus dilaté par la peur, sorte de sourire dévié, visage antique à hauteur de non-sens, comme épaisse hétérogénéité brune foncée ou surface criblée de balles. Bouton noir et trop sourd de toutes les tailles. En diagonale, une cicatrice marque un vieux litige avec le monde. La tête de ma mère, il est étrange, ébarche cette arbre qui pend chaque nuit un mec pour pisser sur sa tronche. Tu vois le paquet de camels? Y a quoi sur le paquet de camels? Y a un chameau. Et si tu vois bien entre les deux pattes derrière, tu verras un type en miniature qui pisse. Et c'est pareil, toutes les nuits, je le vois, ça me réveille, putain, et je dors pas loin, et j'arrive pas à piger. Ma moelle atteint les 80 piges dans un corps de 35. Et le ciel tout entier s'engage à gauche, puis s'efface. Je suis être sans ciel. Sur le mur, des fenêtres suspendues frôlent le chaos. Deux pigeons au ras de nos têtes s'envolent, ta-ta-ta, tel un éclat de rire affolé par une pluie de miettes, puis se posent sur la route. Sur l'un d'eux, parmi les plumes blanches, j'ai eu une queue à dominance de gris. C'est une femelle qu'ils viennent de rapporter ici pour surpeupler les toits de mer, de résonance et de funèbres arômes, dit H. Fausse vie, recoule, et la vie fausse roucoule entre les dents et sous les dents mauves de barbus qui, semble-t-il, assiègent le rêve de toutes parts. Je les ai vus une fois encore. Je monte, les escaliers, la porte ouverte, entre-ouverte en pleine nuit et l'étincelle. Ils chauffent les lames, le tintement et le marteau, le chalumeau et les épées et construisent le plan d'une ville sainte en fonction de projectiles. La lumière maintenant est une écume verte, le vent une toupie qui décrit des tournoiements de poussière et d'idées d'irsus par dissication. L'immeuble brandit une pancarte sur le toit parmi les miroirs paraboliques des antennes où convergent les fantasmes et les nerfs. La rue s'évase dans une démarche de femme, le tout secoué par un crachat de hache au milieu d'une phrase.